pas sentimental. On s'appellera pour pas oublier qu'on les a presque aimés. On se rappellera de ce qu'idéal à la fontaine des innocents qui faisait très peur aux passants en levant droit le bras. On se rappellera de la bande à Gilles et de Jean-Claude et de Chris de Blaise qui avait le cœur sur la main quand il levait. Ensemble, le temps qu'il faut danser tout.